Chapitre 9e. Fruits d'hiver. Le lendemain matin, Karim sort de chez lui, un couffin en main. Dans la rue, en face de son immeuble, il rejoint la charrette proposant des fruits. Un autre magasin offre les mêmes produits un peu plus loin. Mais ses prix sont plus chers. C'est que le marchand doit payer le loyer de son local ainsi que l'électricité. En s'approchant du charretier Omar, Karim le voit grogner contre Akli, le jeune boulanger, debout sur le seuil de sa boutique. Quand donc finiras-tu par comprendre qu'ici nous sommes arabes et musulmans? Retourne donc dans ton bled kabyle. Quoique touché par les propos hostiles, l'offensé regarde Omar avec dignité puis rentre dans sa boulangerie. Le marchand, en colère, revient à sa charrette. Dieu finira par brûler ce lieu de mécréants, affirme-t-il en indiquant la boulangerie. Un vieil homme objecte d'une voix douce. Sans boulangerie, où trouvons-nous du pain? Dieu pourvoira, affirme le marchand. Cependant, Dieu n'aime pas l'injustice. Et il n'est pas boulanger, aurait voulu préciser Karim, mais il se retient pour ne pas provoquer la colère du marchand. Injustice ? S'exclame Omar. Quelle injustice ! Est-ce que tu as vu ce boulanger aller à la mosquée pour faire la prière ? Tout endroit est bon pour la prière, et si quelqu'un ne l'accomplit pas, c'est une affaire entre lui et Dieu. Karim connaît ce vieil homme. On l'appelle par la profession qu'il exerçait. Il était imam. Un prêtre musulman, avant de prendre sa retraite. Tout le monde l'apprécie dans le quartier pour sa sagesse et sa modestie. C'est pourquoi on continue à l'appeler imam. Il représente cette conception de l'islam qui s'inspire du philosophe et théologien arabo-musulman Ibn Rushd, Averroès, ayant vécu en Andalousie dans les années 1100. Plusieurs fois, en fin d'après-midi, Karim s'était joint à d'autres hommes, la plupart adultes, autour du vieil imam. Vêtu, selon la tradition algérienne, de sa coutumière et belle djellaba blanche, et du turban de même couleur, couvrant la tête, il s'assoit presque chaque jour sous un arbre, l'unique, à quelques mètres du seuil du magasin d'alimentation géré par l'un de ses enfants. Là, il jouit du beau temps, regarde paisiblement la vie autour de lui, et parfois psalmodie à voix basse, pour lui-même, des sourates du Coran. De temps à autre, quelques voisins, adultes, s'assoient près de lui pour écouter ses propos. Généreusement doté par la nature, son corps est bien portant, son visage un peu rondelet présente des joues agréablement écarlates. Il parle toujours avec une sérénité touchante, une modestie impressionnante, une affection sincère, donnant la sensation de s'adresser à des frères bien-aimés. Tout le contraire des prêcheurs intégristes, hurlants, menaçants, méprisants, soliloquants, les yeux gonflés de haine, la bouche baveuse, l'index pointé accusateur. C'est par ce gentil et doux vieil imam que Karim et d'autres voisins ont appris qui était Ibn Rushd et sa conception de la foi, notamment musulmane. Dans tous les domaines, ce dernier privilégiait la raison et la justice. Il est allé jusqu'à défendre l'égalité des sexes, pour ne pas cantonner les femmes uniquement au rôle de mère au foyer. Il souhaitait qu'elles puissent travailler à l'instar des hommes, et cela a été dit dans les années 1100. Par le bon imam, Karim apprit également ce qu'Ibn Rushd avait subi à la fin de sa vie de la part des intégristes réactionnaires de l'époque. Le calife d'alors, Abu Yusuf Yaqub al-Mansour, fit interdire la philosophie, les études et les livres, ainsi que la vente du vin et les métiers de chanteurs et de musiciens. Comme les talibans d'Afghanistan et comme les salafistes d'obédience saoudite voudraient faire en Algérie, remarqua l'un des auditeurs de l'imam. Un autre ajouta: j'ai vu un film sur Ibn Rushd et j'ai appris que le cinéaste, un Égyptien, Youssef Chahine, fut menacé de mort par des intégristes pour avoir réalisé cette œuvre. L'imam ne répliqua pas. En sage avisé, il se limita à constater que le message était passé. Il poursuivit son exposé de son caractéristique ton calme et affectueux. Les membres du clergé s'autoproclament ceux qui craignent Dieu et, s'autonomant les oulémas, exercèrent leur influence sur le calife contre Ibn Rushd. Résultat, il fut présenté publiquement dans la mosquée de Cordoue et humilié, puis contraint de quitter sa ville natale. Ensuite, ses livres furent brûlés et lui-même accusé d'hérésie. Même un poète, Ibn Jubayr, écrivit des épigrammes pour discréditer le philosophe théologien en déclarant « Tu as été traître à la religion ». Conséquence de cet ostracisme obscurantiste, c'est à partir de cette époque et suite à ces actes d'intolérance que le monde arabo-musulman cessa toute relation avec le progrès scientifique et que l'empire almohade déclina. Ibn Rushd mourut à Marrakech sans pouvoir retourner dans sa ville natale. Avec lui s'éteignit dans l'islam ce qu'il avait manifesté de positif dans la culture. Karim est soulagé d'avoir un voisin, le vieil imam retraité, d'une telle probité et sagesse. Elles éclairent les ténèbres que traverse le pays, incarné dans le quartier par le marchand Omar. Revenant à la discussion près de la charrette de fruits, Karim voit Omar répliquer avec rudesse au vieil imam. « Il est temps que nous retournions au vrai islam. Trop de gens se croient bons musulmans alors qu'ils ne sont que des impies. Allah sait mieux que nous qui sont les vrais croyants. Pour ma part, je me contente de me rappeler ceci. La première qualité d'un vrai musulman est la bonté. Qu'Allah est Rahman Rahim, clément et miséricordieux. Pas avec les faux musulmans, ni avec les non-musulmans, rétorque sèchement le marchand, car Allah est aussi Shadid al-Aigab, terrible dans le châtiment. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous éclaire tous, conclut le vieil imam. Ne tenant pas compte de cette généreuse réponse, Omar tranche. « Lakum dinukum valayadini. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. » Le vieil imam hésite un bref instant, mais son généreux caractère le pousse à expliquer avec douceur au marchand, sans tenir compte de l'expression farouche et hostile de son visage. « Mon cher enfant, la sainte sentence que tu viens de prononcer signifie la tolérance et le respect. Pour moi, objecte Omar froidement, elle signifie autre chose. Que nous sommes les vrais musulmans, et les autres pas. » Le vieillard, sans se décomposer, veut répliquer par l'invitation qu'il emploie en ce genre d'occasion. « Que Dieu te mette sur la bonne voie. » Il y renonce, sachant que cette invocation ne ferait qu'envenimer les choses. Alors il contemple un bref instant le marchand de fruits, avec compassion, puis le salue. « Assalamu alaikum. » Omar, trop énervé, n'y répond pas. Le vieillard s'éloigne paisiblement. Karim, bien que révolté par le comportement du marchand, achète les fruits dont il a besoin. Pendant qu'Omar s'occupe à les peser, Karim sent l'envie de l'interroger. « Concernant la vente de tes produits, demandes-tu à tes clients s'ils sont de bons musulmans, selon ta conception ?» Karim préfère s'abstenir. Il connaît la réponse. L'argent n'a pas d'odeur, partout. Et toujours, il est le saint des saints. Karim contemple ce marchand au comportement antipathique. Visiblement, étant d'une famille certainement démunie, il n'a pas fréquenté l'école. C'est donc un homme sans ressources, ni matérielles ni intellectuelles. Il a trouvé ce travail pour survivre, une charrette et des fruits. Il est ici à toutes les saisons, sous le froid glacial comme sous le soleil brûlant. Pas facile comme vie. Il faut s'accrocher à quelque chose, un espoir, un idéal pour tempérer l'âpreté et l'humiliation de son existence. Il n'a pas trouvé autre chose qu'une conception étriquée, empoisonnée par le ressentiment et la haine. Cependant, cette vision lui donne l'impression de vivre de manière digne. « Il me fait pitié, » soupire Karim, doublement victime de l'injustice sociale et de l'aliénation idéologique. « Ah, comme je voudrais bien trouver le moyen de discuter avec lui !» Derrière la méfiance et l'agressivité, son regard est humble. Derrière son comportement hargneux, il y a de la souffrance. Il n'est intégriste que parce que d'autres n'ont pas su lui proposer mieux. Karim se classe parmi ses autres et s'en fait un reproche. Quand les fruits sont mis dans le couffin, « Merci, » dit-il. « Merci à toi, » répond le marchand avec courtoisie. Karim s'éloigne et entre dans la boulangerie. Akli, le jeune Kabyle, est seul derrière le comptoir. Depuis toujours, Karim achète le pain chez ce boulanger. Plus d'une fois, ils ont échangé des propos amicaux, notamment au sujet de la Kabylie. Karim y avait séjourné, invité par des amis travaillant avec lui à l'hôpital, originaire de la région. « Qu'est-ce qu'il y a avec le marchand ?» demande Karim. « Oh !» répond Akli, en haussant légèrement les épaules. « Voilà quelque temps, il m'a demandé de lui vendre le magasin. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas renoncer à mon seul moyen de vivre. Il est revenu plusieurs autres fois avec la même demande, et moi je lui ai rappelé l'impossibilité de le satisfaire. Il ne se résout pas à ça. Il m'a alors menacé de faire brûler le magasin. Depuis, avec mon jeune frère, nous veillons la nuit, à tour de rôle, pour éviter ce malheur. » Ces paroles affligent Karim. « Je commence à avoir peur, » avoue Akli, non pas de ce marchand, mais de ses amis. De temps à autre, l'un d'eux passe devant la boulangerie en me lançant des coups d'œil très hostiles. Ils font également circuler la voix que je suis un athée, arguant du fait que je ne vais pas à la mosquée. Ainsi, ils voudraient m'obliger à vendre ce magasin et retourner dans mon bled. Non, Akli. C'est ici ton bled. Et partout sur cette planète, c'est ton bled. Tous les habitants du quartier estiment ta présence et ton travail. Chaque jour, ils viennent chez toi acheter leur pain. Ils t'aiment bien. Ils aiment aussi bien ta gentillesse que le bon pain que tu fabriques avec ton frère. Mais il y a... D'un geste de la main, il indique la porte de la boulangerie pour faire allusion au marchand homard. Cette menace. Je ne crois pas, affirme Karim, à sa mise en pratique. Pourquoi ? Cet homme, explique Karim, appartient à la race des chiens qui aboient sans mordre. D'ailleurs, s'il arrive quoi que ce soit, on connaîtra immédiatement le coupable. Si quelqu'un est vraiment décidé à commettre un forfait, il ne le crie pas publiquement. Il faut résister, cher Akli. Nous aussi, nous résistons à tellement de menaces et d'intimidations. Surtout, ne pas se résigner, ne pas se proclamer vaincu avant de l'être réellement. Et même, alors, il faut continuer à combattre. Sinon, à quoi bon vivre ? Très amicalement, Karim tend la main grande ouverte à Akli. Ce dernier la saisit. Ils restent longtemps les paumes serrées l'une à l'autre. Akli, très ému, retient ses larmes.